après l'arrestation par les nazis de son frère Gaston en 1943, puis de sa sœur et de son mari en janvier 1944, Marc Jacob est lui-même enlevé la même année à son couvent de Saint-Benoît-sur-Loire en février et amené au camp de Drancy. Il y mourra de pneumonie le 5 mars 1944. 3 ans après sa mort, on publia ses méditations religieuses, dont voici un extrait qui terminera cet aperçu de l'œuvre poétique de Max Jacob.